cours numéro 4. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi wahdah, wa salatu wa salam ala man la nabiyya ba'dah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala al-imam ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, wa qad athna allahu subhanahu ala ibadihi al-mu'minin, الذين يسألونه أن يجعلهم أئمة يهتدى بهم. تقدم معنا في الدرس précédent أن من معاني قوله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم أن الإنسان سيل على هدى على هداية على استقامة فكذلك il propage هذا النور il appelle les autres à cette هداية à cette guidée. فلهذا هنا ابن القيم يقول وقد أثنى الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين الذين يسألونه أن يجعلهم أئمة يهتدى بهم أي الله سبحانه وتعالى أثنى إلى ست في القرآن ست كاتيجوري دو مؤمن كي دوموند الله سبحانه وتعالى دي زيمام بو لي زوت أي دي غيد لماذا لأن مونتخي الخير و زوت هي اون ريكومبونس عظيمة النبي صلى الله عليه وسلم دون بليزيوغ أحاديث يديمونتخ أن أن celui qui montre aux gens le خير فإلى la même récompense الدال على الخير كفاعله celui qui montre une sunna un خير et un autre il l'applique فإلى la même récompense لهذا من دعاء المؤمن الموفق أنه يدمد الله سبحانه وتعالى de faire partie de أهل العلم de faire partie de الدعاء المهتدين qui montre aux autres qui montre aux autres pourquoi لأن الأجر العظيم pas pour se montrer عيادا بالله Pas pour une place pour dunya, yadam billah. Pas pour de l'argent. Pas pour être complimenté. Là, son but, c'est al-ajr. Son but, c'est dar al-akhira. Qala, faqala ta'ala fi sifati ibadihi wal-ladhina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama. Waj'alna lil-muttaqina imama. Al-imam, c'est celui qui est suivi, c'est le guide. Et on a à ne pas comprendre, ou ne pas restreindre le sens de l'imam, al-imam ou al-masjid. Là, l'imam, on a, c'est plus vaste. C'est pour ça qu'on dit, مثلاً, al-imam ou ibn al-qayyim, c'est un imam. Ça ne veut pas dire que c'était un imam fil masjid, faqat, là. Peut-être qu'il n'était pas imam dans un masjid, là. Imamun, on a, c'est un guide qui montre la voie aux autres. Fal-imam ou fil masjid, C'est un guide pour ceux qui font la salat derrière lui. C'est imama, elle est muqayyada, bis salat. Ça peut être un jahl, fil ilm. Lakin, c'est un imam, fil salat, on doit le suivre, fil salat. Qala sallallahu alayhi wa sallam, innama ju'ila l'imam liyutamma bih. L'imam, il a été instauré pour être suivi. L'imam, c'est imamun fil din. C'est un guide pour les autres, il leur montre sunnah. Il leur montre al-bid'a, il les met en garde. Il leur montre al-wajib, il leur montre al-mustahab. Wallah subhanahu wa ta'ala qala huna, ay anna ha'ula al-ibad, al-salihin, waj'alna lil-muttaqina imama. Hadi l'aya, c'est une aya azima. Lakin, on revient toujours, il faut faire les causes. Wallazina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun. Ça montre. أن المرأة الصالحة والذرية الصالحة الذرية c'est les enfants c'est من سعادة الدنيا لماذا لأن المرأة الصالحة elle obéit à son mari elle s'entraide avec son mari elle lui facilite s'il se trompe elle lui pardonne s'il oublie elle lui rappelle s'il a fait une faute elle lui conseille de faire tawbah وهكذا الذرية الصالحة كذلك c'est من أسباب السعادة في الدنيا وفي الآخرة في الدنيا يفون ليدي يفون ليوبير في طاعة الله عز وجل يكرمونه avec des cadeaux avec الدعاء avec le bon comportement كذلك après sa mort si c'est des enfants صالحون كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه أن ابن آدم إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث si l'être humain meurt ses œuvres elles sont arrêtées sauf dans trois cas et parmi ces cas ولدين صالح يدعو له un enfant pieux qui invoque pour son père ou pour sa mère فلهذا المؤمن الصالح في هذا الدعاء أن الله سبحانه وتعالى يرزقه زوجة صالحة وذرية صالحة Pourquoi? Il y en a celui qui m'a profité. Bi'idnillahi azza wa jal. Kadhalik qala waj'alna lil muttaqina imama. Hada ad-du'a, ay d'être un imam pour qui? Pour le muttaqin. Ça montre que lui-même il doit être min al-muttaqin. Lana si il veut devenir un guide pour al-muttaqin, lui-même il doit être min al-muttaqin. Ibn Qayyim rahmatullah alayhi va citer kalam mujahid, kalam nafi' fi hada. للأسف وعد الناس au lieu de méditer sur ce verset, faire des efforts pour l'appliquer, ماذا يفعلون وهذا on l'a vu de nos yeux, أن ce verset ils le mettent dans les cartes de mariage. عياذا بالله, et c'est un mariage qui est fondé sur le fisq والفساد والاختلاط والعري et طمت مصائب, des mariages qui contredisent sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il y a beaucoup de façades, des péchés ila akhri, et tu les trouves dans les cartes d'invitation, ils notent ce verset. Pourquoi? Dans le verset, il y a le mot femme, et dhriya. Lakin, ils n'ont pas médité sur le début et sur la fin. Alladhina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dhriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Et tu le trouves ce verset dans son mariage, thumma cette carte d'invitation, tu la trouves, Robama, jetée par terre, au pose dans le mariage, et il y a du fasad, ayyadun billah. Est-ce que la mixité, c'est minat taqwa? Est-ce que danser, ayyadun billah, écouter de la musique, c'est minat taqwa? Délaisser la salade pendant ce mariage, c'est minat taqwa? Des femmes, ayyadun billah, pratiquement pas habillées, est-ce que ça fait partie de taqwa? Lakin al-jahl, al-Qur'an, c'est profitable pour celui qui médite et qui applique. Al-Qur'an, hujjatun laka wa alayk. Amma l'inscrire, le noter dans des cartes de mariage ou dans des cadres à la maison, ha'oula, ils font ça pour se rassurer, faqat. Wa illa, c'est d'aucune utilité. Celui qui applique le Qur'an, il fait tout pour l'apprendre, pour le lire, pour l'appliquer. Il n'a pas besoin de l'accrocher. Il a un mushaf et walillahi alhamd, le mushaf, tu vois des traces d'usure tellement qu'il est lu. Un mushaf qui est posé à la maison et il est recouvert de poussière, ou un cadre que personne lit. Enfin, c'est une hujja contre haoula. Lakin akhtar al-nas la ya'lamoun. Qala ibn Abbas, yuhtada bina fil khayr. Il a cité, rahmatullah alayhi, des paroles de certains imams, l'explication de ce verset. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يهتدى بنا في الخير أي قوله واجعلنا للمتقين إماما يهتدى بنا في الخير أي qu'on soit suivi dans le bien, أي un imam qui est suivi dans le خير. وقال أبو صالح يفتدى بهدانا وقال مكحول, هؤلاء سد أئمة في التفسير, وقال مكحول أئمة في التقوى يقتدي بنا المتقون. Et tout ça, c'est des explications claires. Aïe, qu'on soit des guides pour le muttaqi. قال وقال مجاهد اجعلنا مؤتمين بالمتقين مقتدين بهم وأشكل هذا التفسير على من لم يعرف قدر فهم السلف وعمق علمهم وعمق علمهم. هذا التفسير أشكل على بعض الناس. Pourquoi? قال مجاهد رحمة الله عليه, مجاهد بن جبر من أئمة السلف, parmi les élèves de عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. مجاهد رحمه الله قال أنه il a lu le Coran entier sur ابن عباس deux fois, يسأله عن كل آية. Deux fois il a lu le Coran entièrement sur عبد الله بن عباس رضي الله عنهما, الصحابي الجليل. Et à chaque verset, il lui demande l'explication. Ma ma'na kada, ma ma'na kada. C'est une référence fi hada al-bab, l'imam Mujahid min a'immat al-mufassirin. Wa al-a'imma al-kibar, ka Ibn Jarir rahmatullah alayhi dans son tafsir, ou Ibn Kathir, ou l'imam al-Baghawi, ou autre, kathiran, il rapporte les paroles de Mujahid fi al-tafsir. Hatta qala Sufyan al-Thawri al-imam rahmatullah alayhi, إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. Si un verset est expliqué par مجاهد فحسبك به, il te suffira. هذا c'est في الغالب. وإلا فرحمة الله عليه, c'est un bachar, il peut se tromper dans une explication. لكن في الغالب, ces explications sont mufides جدا رحمة الله عليه. فقال, il a expliqué le verset, اجعلنا مؤتمين بالمتقين مقتدين بهم. Vous avez remarqué que c'est le seul dans les imams que Ibn al-Qayyim il a cité, il a expliqué l'imam, il n'a pas expliqué par guide, بل il l'a expliqué lui-même, il doit suivre. C'est pour ça que أشكل على بعض الناس. قوله واجعلنا للمتقين إماما, أي qu'on soit des guides pour les autres. Mujahid il l'a expliqué par l'inverse. أي اجعلنا مؤتمين, أي fait de nous des suiveurs, أي qu'on suive. قال مؤتمين بالمتقين, أي qu'on suive المتقين مقتدين بهم. هذا أشكل. Expliquer ce verset par l'inverse, il y a un إشكال. لكن كما قال ابن القيم أشكل هذا التفسير على من لم يعرف قدر فهم السلف وعمق علمهم. تستفيد من هذا فائدة عظيمة. Ne t'empresse pas à dire tel savant il s'est trompé. لا تستعجل, خاصة si tu n'as pas étudié, خاصة si tu n'as pas un كلام d'un autre imam معك. لأن أحيانا on pense que tel imam il s'est trompé à cause de notre ignorance. Que ce soit ilm al-hadith fi al-tasrih, que ce soit une mas'ala fi al-fiqh, que ce soit une mas'ala fi al-rijal, la tastajib. Si c'est un imam min a'immat al-sunnah, khassatan si c'est son domaine, ka mujahid rahmatullah alayhi, son domaine c'était le tafsir, la tastajib. Tu lis hada et tu dis pourquoi il a expliqué l'imam par, au lieu de l'expliquer par quelqu'un qui est suivi, il l'explique par le suiveur lui-même, c'est l'inverse. La tastajib. Fais des recherches. Awalan, regarde, est-ce que le kalam il est sahih an hada l'imam. Ahyanan c'est un mensonge, ahyanan c'est une erreur fi naql, l'imam il a jamais dit ça. Awalan. Thaniyan, si l'imam il a vraiment dit, fas'al ahl al-ilm. On n'a pas le niveau nahnou de parler dans tout, ya jama'a. Ba'd an-nas yasta'jil, tel imam il a dit une chose, il lit aucun ta'anni. Mubashara, c'est une erreur, il s'est trompé. Man qala lak? Est-ce que tu as le niveau en là? On ne se précipite pas, on recherche. Si c'est trompé, c'est trompé. Emma, ils ne sont pas mal à son monde. Abadan. Lakin, c'est un tembé pour montrer qu'on ne se précipite pas. On a un exemple, on a avec l'explication de Mujahid. قال وقال يجب أن تكون الآية على هذا القول من باب المقلوب على تقدير واجعل المتقين لنا أئمة. Aïe. L'explication du verset, pardon, ils ont compris que c'est l'explication par l'inverse. أي وجعل المتقين لنا أئمة. أي fait que المتقون, les gens pieux, c'est des imams pour nous. Pas que nous on soit des imams pour eux. Vous avez remarqué, c'est complètement l'inverse. بعض الناس, ils ont compris, ou ils ont pensé que Mujahid, il s'était trompé في هذا. أشكل عليهم. Comment il a expliqué par l'inverse. Ou plutôt بعضهم قالوا أن الآية donc c'est من باب المقلوب. فبعضهم نعم, ils ont pensé que c'était min bab al-maqlub. Ay Allah subhanahu wa ta'ala lamma qal waj'alna lil-muttaqina imama, ay le sens c'est l'inverse. Ay c'est que les pieux c'est des imams pour nous, pas que nous on soit des imams pour eux. Lakin isma' qala wa ma'ad Allah an yakun shay'un min al-Qur'an maqlub 'an wajhi. Na'am. Hada un bab très grave si on l'ouvre. Explique le Coran par l'inverse. Allah subhanahu wa ta'ala il a interdit l'alcool, واحد il va dire لكن ربما المعنى c'est que c'est autorisé, l'inverse. هذا ما في في القرآن. الأئمة ils expliquent pas le Coran بهذا أبدا. قال وهذا من تمام فهم مجاهد رحمه الله. لكن مجاهد رحمه الله عليه إمام, قلنا c'est un imam في التفسير. فإنه لا يكون الرجل إماما للمتقين حتى يأتم بالمتقين. أي avant d'être un imam pour les autres, pour le muttaqin, lui-même, il doit être min al-muttaqin. Falihada, Mujahid, il a expliqué le verset, al-haqiqa, par la première étape. Et avant tout, anta, fais des efforts pour être min al-muttaqin, thumma, tu pourras espérer être un imam pour les autres. Hada, fahm. Mujahid, rahmatullah alayhi, c'est un fahm, qawi. Qala, fa'innahu la yakun al-rajul imaman lil-muttaqin, hatta ya'tam bil-muttaqin. فنبه مجاهد على هذا الوجه الذي ينالون به هذا المطلوب. مجاهد il a expliqué في الحقيقة le verset par le sabab. Si tu veux être un imam pour les autres, pour les musulmans, pour les muttaqin, أولا fais des efforts pour toi-même être من المتقين. قال فنبه مجاهد على هذا الوجه الذين أو الذي ينالون به هذا المطلوب وهو اقتداؤهم بالسلف المتقين من قبلهم فيجعلهم الله أئمة للمتقين من بعدهم. نعم، هذا الإكسبليكاسيون دو مجاهد. في الحقيقة في تفسير ابن جرير الطبري الإمام رحمة الله عليه ونقل عن مجاهد عن قول، في الحقيقة لا ديتاي أكثر إسأله في إشكال، قال مجاهد رحمة الله عليه كما في تفسير ابن جرير: أي أئمة نقتدي بمن قبلنا ونكون أئمة لمن بعدنا. إلى ستة لدو أئمة، أي أئمة لذيغسي، وجعلنا للمتقين إماما، أي أئمة نقتدي بمن قبلنا، أي كنومم نسوي سوكي يتي أفونو، فدان سوكا وني دي سويفر. ثم قال: ونكون أئمة لمن بعدنا، وكذلك فدنو دي زمام pour ceux qui sont venus après nous. Et il y a une faïda عظيمة في هذا أن لا بد que tu suis quelqu'un. Même si tu es un imam, tu dois suivre quelqu'un. Et ça nous montre la gravité de suivre aveuglément autre que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Fa la bud, même si tu as des suiveurs, même si tu as des élèves, même si tu es écouté, tu dois avoir un guide. Et le guide de tous, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. قال وهذا من أحسن الفهم في القرآن وألطفه ليس من باب القلب في شيء فمن اتم بأهل السنة قبله اتم به من بعده ومن معه. فسي tu veux être suivi في الخير tu dois suivre أنت أولا. Suivre qui? الرسول صلى الله عليه وسلم. Suivre الصحابة رضي الله عنهم. Suivre سلف الأمة رضي الله عنهم. Suivre العلماء في الحق. في هذا الحال تعتمد على certain niveau et بإذن الله عز وجل الله سبحانه وتعالى il est capable de faire de n'importe qui un imam في الدين. أهم شيء الإخلاص. الإخلاص t'es sincère. Tu ne veux pas devenir imam pour être connu, عياذ بالله, pour être populaire. لأن on vit à une époque الآن كثير من الناس ils ont été éduqués élevés على هذا, surtout avec tous ces réseaux الآن. C'est de la popularité. Foulan il a combien de vues, Foulan il a combien de suiveurs. C'est pas ça la ivra. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, il aime chercher, il lui ouvre les portes. Même si personne ne le suit, c'est pas le problème. Comme min ad-dallal, dans les réseaux sociaux, ils ont des millions de suiveurs. Et c'est des dallal. Min al-ikhwan al-muslimin, min al-sufiya, min al-khawarij, min al-rawafid. Et ils ont des suiveurs. Al-yahoud, kadalik. Ils sont nombreux, al-Nasara, ils sont nombreux, c'est pas ça le but. Ne pas comprendre, huna, al-imam et les suiveurs, pour être sur le haq, c'est forcément le grand nombre. Abadan. Abadan. Bel, beaucoup de versets fait le Coran, qu'on a déjà cité plusieurs fois, ma'akoum, et fait sunnah, anna kathiran fait le Coran ou fait le sunnah, al-kathra les madmouma. Le grand nombre, la majorité, elle est citée en, pas en bien, en mal. Hada kathiran. Et s'il y a de la kathra, un grand nombre avec l'ilm, avec l'amal, falhamdulillah, c'est une ni'ma. Qala wa wahada subhanahu lafz imaman wa lam yaqul waj'alna lil muttaqina a'imma. Deuxième faïda qui cite Cheikh al-Islam ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi, après avoir cité l'explication waj'alna lil muttaqina imama, il cite une deuxième faïda sur le mot imam. Vous avez remarqué qu'il est cité au singulier. وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Pourtant, ceux qui demandent, ils sont plusieurs. عِبَادٌ مُؤْمِنُونَ. قَدْ يَقُلْ قَائِلْ. Pourquoi le lafd imam, il n'est pas au pluriel? وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ أَئِمَّا. Là, Allah, il a dit وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Au singulier, il y a une faïda azima. قَالَ وَلَمْ يَقُلْ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ أَئِمَّا فَقِيلَ. Il y a plusieurs réponses في هذا. On les lit et inshallah ننظر لقول كلا رجح الإمام ابن القيم. فقيل الإمام في الآية جمع آم نحو صاحب وصحاب وهو وهذا قول الأخفش وفيه بعد وليس هو من اللغة المشهورة المستعملة المعروفة حتى يفسر بها كلام الله. هذا ستكسفكاسيون فيها نظر. وقال آخرون الإمام هنا مصدر لسم يقال أما إماما نحو صام صياما وقام قياما أي جعلنا الذوي إمام وهذا أضعف من الذي قبله. هذا كذلك للفهم. On s'attarde pas à détailler pourquoi. Ce qui nous intéresse maintenant c'est القول الصواب. وقال الفراء من أئمة اللغة رحمة الله عليه إنما قال إماما ولم يقل أئمة على نحو قوله إن رسول رب العالمين ولم يقل رسولا مع أن المراد هنا موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى لم يقل إن رسول رب العالمين أي رسول مثنى دو لا الله سبحانه وتعالى إلى سيتي اللفظ المفرد pourtant ils étaient deux إن رسول رب العالمين قال ولم يقل رسولا وهو من الواحد المراد به الجم ça arrive souvent en langue arabe الواحد أي un mot au singulier et المراد ce qui est voulu c'est un groupe le pluriel les قول الشاعر et il a cité un vers de poésie pour prouver هذا لأن la langue arabe العلماء quand ils citent ce genre de ma'ani ils appuient avec des vers de poésie de l'époque pour te montrer nahum il parlait هكذا اما inventer des choses dans la langue arabe ou déformer les sens sans aucune preuve c'est pas accepté Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi an pour te montrer ان هذا c'était connu à l'époque de nos ancêtres il cite ce vers de poésie les qawl al-sha'ir ya 'adilati la turidna malamati إن العوادل ليس لي بأميري إن العوادل ليس لي بأميري قال أي ليس لي بأمراء Vous avez remarqué que dans le verbe أمير الأمير c'est مفرد c'est un mot singulier الأمير أي le chef قال أي ليس لي بأمراء alors que ce qui est voulu de ce verbe c'est le pluriel الأمراء Et l'arabe, au lieu de dire l'umara au pluriel, ils ont dit l'amir. Hada, c'est un shahid pour démontrer en langue arabe. Hiyanan, il cite le singulier et ce qui est voulu, c'est le pluriel. Lakin, la question qu'on se posait, pourquoi l'eul fa'idal On a une preuve que ça se dit. Lakin, Allah subhanahu wa ta'ala, fil Qur'an, قال, وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا Et il n'a pas dit au pluriel, il y a une fa'ida azima que l'imam ibn al-Qayyim, il va citer, rahmatullah alayhi. قال, وهذا أحسن الأقوال غير أنه يحتاج إلى مزيد بيان أي قول الفراء رحمة الله عليه الإمام اللغوي سأحسن الأقوال لكن ابن القيم رحمة الله عليه démontre أنه يفو détailler أكثر pour démontrer الفائدة وهو أن المتقين كلهم على طريق واحد ومعبودهم واحد وأتباع كتاب واحد ونبي واحد وعبيد رب واحد فدينهم واحد ونبيهم واحد وكتابهم واحد ومعبودهم واحد المؤمنون جميعا المتقون كلهم يسعوا على طريق واحد الكتاب والسنة إسس التقوى سأدعي الله سبحانه وتعالى بعلم en se basant sur le kitab والسنة فالمتقون ils ont tous le même chemin la voie du prophète صلى الله عليه وسلم معبودهم واحد ils adorent tous Allah عز وجل أما celui qui adore autre qu'Allah c'est un mushrik c'est un kafir c'est pas un muttaqi في شيء قال وأتباع كتاب واحد ونبي واحد كذلك ils ont le même guide le prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم il n'y a pas un deuxième le prophète صلى الله عليه وسلم quand Allah سبحانه وتعالى il l'a envoyé et il lui a révélé le Coran le Karim tout le monde doit suivre le prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم أما اليهود مثلا ils disent là نحن on doit suivre Moussa C'est des menteurs et c'est des kafars. لِأَنَّ لَوْ كَانَ مُوسَى حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلَّا اتِّبَعَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ النبي صلى الله عليه وسلم il a juré أن si Moussa il était vivant il n'aurait pas le choix que de suivre le prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم فالمتقون ils ont le même guide قال فَدِينُهُمْ واحد وَنَبِيُّهُمْ واحد وَكِتَابُهُمْ واحد ils ont le même dit ils ont le même ilah أي الله سبحانه وتعالى ils ont le même kitab le Coran قال فكأنهم كلهم إمام واحد لمن بعدهم فتأمل هذه القوة وهذا الاستنباط revenir à مثل هؤلاء الأئمة الكبار الراسخين في العلم تستفيد منهم جدا أما قيل وقال وكلام كثير يا أكن فائدة تأمل الآن كلكل تستفيد إن فائدة عظيمة في كتاب الله عز وجل قال فكأنهم كلهم إمام واحد لمن بعدهم ليس كالأئمة المختلفين الذين قد اختلفت طرائقهم. C'est comme s'ils étaient un seul imam. لماذا؟ لأن ils appellent tous à la même chose. فمن مثلا si on قدر il y a 50 savants, 50 imams qui montent الحق. ففي الحقيقة c'est comme si tu suivais un imam. أي tu suis la chose à laquelle il appelle, tu ne suis pas la personne. Maintenant, on connaît 50 savants, enfin, on les suit. Pourquoi? Les anahum, ils appellent tous au Coran et à la Sunna. Falihada Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité imamun wahid et mufrad, et la chose à laquelle ils appellent, c'est la même. C'est la guidée, et c'est ça, l'imam. Qala, laysu kal a'immatil mukhtalifin alladhina qad ikhtalafat tara'iquhum. Pourquoi? الأئمة المختلفين أي لزقاري أئمة الجهمية أئمة المعتزلة أئمة الرافضة أئمة الصوفية تسلة الضلال المنحرفون pourquoi ils ont plusieurs chemins لماذا لأنهم ils ont délaissé الأصل الكتاب والسنة et chacun il appelle à son عقل et à ce qu'il pense et à ses envies فلهذا tu trouves دين الرافضة c'est pas دين المسلمين c'est un autre دين. Tu trouves Turuq al-Sufiyya, ça n'a rien à voir avec l'islam. Tu trouves Aqidat al-Jahmiyya, ça n'a rien à voir avec Aqidat al-Qur'an. Pourquoi? لأنهم, ils ont délaissé l'imam al-Sahih, al-Qur'an ou al-Sunnah. Et ils se sont égarés. Amma al-Sunni, où qu'il soit, falhamdulillah, il est la même tariq que son frère. Qu'il soit fil Maghrib ou fil Mashriq, ou fil Shamal ou fil Janoub, c'est la même Aqidat, le même manhaj. Qala, ومذاهبهم وعقائدهم فالاهتمام إنما هو بما هم عليه وهو شيء واحد وهو الإمام في الحقيقة. في الحقيقة نحن نسوي كوا؟ Est-ce qu'on suit la personne? Là, on suit ce à quoi il appelle. Ibn al-Qayyim رحمة الله عليه c'est un imam في الدين. Son شيخ كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. وقبلهم الإمام أحمد والإمام سفيان الثوري والإمام مالك والإمام الشافعي أئمة السلف سيدي الإمام في الحقيقة ils ont tous appelé à la même chose et c'est ça l'imam في الدين تستفيد من هذا فائدة عظيمة أن التعصب c'est très très dangereux enfin, tu ne suis pas l'imam parce qu'il s'appelle Fulana, ou parce que tu le connais, ou parce que tu as étudié chez lui, ou parce que c'est à quoi il te plaise. Là, tu dois le suivre. Et s'il se trompe, tu ne le suis pas. C'est une faïda azim fi tajrid al-ittiba' wa tark al-ibtida' wa ta'assub. On aime Ahl al-ilm. Et on doit tout faire pour les suivre. Pourquoi? L'imam, il n'est pas ma'asoum. Ce qui est ma'asoum, c'est les sources. Si tu suis aveuglément un tel minannas, demain il se trompe, demain il s'égare. Si tu le suis lui, tu t'égares. Si tu suis le haq qu'il avait, tu ne le suivras plus. L'imam Ali Annahu, il n'appelle plus à ce haq. Et alhamdulillah, tu trouveras le haq chez un autre. La tazal ta'ifatun min ummati ala al-haq zahiri. Enfin, le haq, il n'est pas réservé pour un tel. Anna, si tel shir. Il ne parle pas forcément, il n'y aura pas le haq. La preuve, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahmatullah alayhi, il est mort. Est-ce que le haq il est mort Allah subhanahu wa ta'ala waffaqa ses élèves. Madrasa azima, il a délaissé Cheikh al-Islam. Des grands élèves, l'imam ibn al-Qayyim, l'imam ibn Kathir, l'imam al-Zahabi, l'imam ibn Rajab, l'imam ibn Abdel Hadi, tout cela c'est une a'immat al-Sunnah, tous c'est des élèves de Cheikh al-Islam. Directement ou des élèves de ses élèves. Et tous les savants-là, ils profitent de lui. Il est mort et le haq, il est resté. Ibn al-Qayyim, rahmatullah alayhi, il est mort. Est-ce que le haq, il est parti? Abadan. Allah subhanahu wa ta'ala waffaqa a'imma hatta ja'a al-imam Muhammad ibn Abdul Wahhab. Imamun fi sunnah wa fi din. Il a remis fi hada din. Bi'idnillahi azza wa jalla. Il est mort. Est-ce que sunnah, elle est morte? Et le haq, il est mort? Abadan. الآن نغران صفان كثير منهم يصمر الإمام ابن باز الإمام الألباني الإمام ابن عثيمين الإمام الوادعي عليهم رحمة الله يصمر إسك الحق لمر أبدا فلا تتعصب للرجال نسوي با أن صفان كم تسوي لبروفيت صلى الله عليه وسلم أبدا تسوي لصفان بخسكي للحق لا بخسكي لمعصوم لا Et s'il se trompe, si c'est un savant de la sunna, inshallah, il a une excuse en l'aime fillah, lakin, abadan, tu dois le suivre fi hadha. Tout ça teste vide, min hadha al-kalam al-mufid. Nas'alu Allah azza wa jal an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yarda. ونسأله عز وجل أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن والحمد لله نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك رسالة مفيدة صلى الله سبحانه وتعالى يوفقنا لإكمالها c'est une risala très très importante كما ترى tout ça c'est nasiha à un de ses frères tout ce kalam il lui rappelle Et il lui explique des ayats. Kam tastafid min ahl al-ilm. Vivant et après leur mort, kadalik tastafid min ulumihim. Pas parce qu'on le connaît, ou parce qu'il fait partie de notre famille, ou pas, peut-être. Parce qu'il a l'ilm, rahmatullah alayhi. Et le prochain fasl, kadalik, il est nafi' sur as-sabr. Il va insister sur as-sabr.